Chapitre 3e. Eh bien, Barclay, c'est demain le grand jour. La casa grise verte et blanche va se couvrir de gloire, et la foule confondra dans un même élan d'enthousiasme l'éleveur, l'entraîneur et le jockey. Mais je vous trouve tout soucieux. Auriez-vous des inquiétudes ? Non, non, monsieur le marquis, se hâta de répondre le père de Suzanne. Villard est très bien, vraiment superbe de condition. La course est à nous, à moins d'accident. Ah, mon bon ami, je vous vois venir. Vous allez médire encore de l'équitation française, mais vous connaissez là-dessus mon opinion. Je ne veux pas blesser votre amour-propre national, ni méconnaître les aptitudes exceptionnelles de vos compatriotes. Seulement, je me demande hein, pourquoi les Français ne sauraient pas se tenir à cheval aussi solidement que vos acrobates d'outre-Manche. Je ne conteste pas, monsieur le marquis, que Jean Maroul soit un excellent cavalier, égal ou même supérieur à beaucoup de ses camarades. Mais voyez-vous, l'équitation de course, surtout dans les grandes épreuves, est une chose si spéciale. Malgré les succès de notre jockey, je doute encore, non pas de son assiette, ni de sa franchise sur l'obstacle, mais de sa science du train. Et puis il monte les rênes longues, le corps droit, collé au fond de la selle. Il est à la merci d'une incartade de sa monture. Croyez-moi, monsieur le marquis, ses principes n'ont jamais donné de bons résultats, et je serais pour ma part bien plus tranquille sur le compte de Villard, si je le savais aux mains de l'un de nos jockeys anglais, de Jim Harkins, par exemple. Ah oui. Parlons un peu de ce triste personnage, répondit le marquis d'un ton narquois. Voyez l'état dans lequel ses chevaux rentrent au pesage. Les pauvres bêtes sont éreintées, fourbues, sanglantes, car ils usent à tout propos de la cravache et de l'éperon. Leur carrière de course est finie, il n'y a plus qu'à les envoyer au haras. À chaque instant, vous me vantez le tact de cet énergumène qui traite les purs sangs comme des roses de fiacre et les assomme à coups de bâton. Vous appelez cela de l'énergie ? Ce n'est que de la brutalité. Votre Jim Harkins monte comme un charretier. Ajoutez que cet individu est une franche canaille. 20 fois, il a été pris sur le fait et compromis dans tous les tripotages honteux qui déshonorent le turf. On n'est jamais sûr de sa sincérité. C'est un drôle capable de toutes les infamies, de tous les crimes. Et vous voudriez voir ma casaque sur le dos de ce chenapan. Apprenez, monsieur Barclay, que le gain d'une course est peu de chose en comparaison du renom de mes couleurs. Je veux, vous entendez, je veux, que l'on continue à citer mon écurie comme un modèle de droiture et de régularité. D'ailleurs, ces discussions sont inutiles, j'ai décidé, veuillez vous en souvenir, que Maroul montre à Villard dans le grand stiple. Le vieux Tom s'inclina sans répondre, en dissimulant sous un sourire ambigu le ressentiment que lui causait cette mercuriale. Les deux hommes gagnaient les écuries, laissant Suzanne et Jean dans le jardin, fort occupés à faire des projets d'avenir. Blottis au coin d'une charmille, les fiancés échangeaient ces propos, vieux comme l'amour lui-même, auxquels le regard qui les souligne donne un charme éternel. Monsieur de Vernières et Barclay suivaient une allée conduisant à l'entrée de l'établissement. Le marquis marchait d'un pas alerte. Sa haute et fine silhouette, violemment éclairée par le soleil, s'enlevait sur un fond de verdure sombre. Il était vêtu d'un costume gris de coupe parfaite. Sur son visage régulier, basané, éclairé par des yeux bleus aux reflets métalliques, une épaisse et longue moustache blanche voltigeait au souffle de la brise. Son allure souple alliait à la décision du militaire, la désinvolture du gentilhomme, et ses manières avaient ce charme si particulier des vieillards, qui semble la quintessence de la courtoisie d'autrefois. Auprès de lui, Barclay, gros, court, massif, avait l'apparence ridicule d'un hanneton dressé sur ses pattes de derrière. Depuis l'arrivée du marquis, l'anglais autoritaire et dur semblait avoir mis un masque, tant ses traits reflétaient de bonhomie souriante. Avec sa large face luisante et rouge, il ressemblait à ces gentlemen farmers bon vivants que la caricature d'outre-Manche représente volontiers attablé devant des jambes énormes et des pâtés imposants. Mais quand il ne se sentait pas observé, son petit œil faux jetait des lueurs inquiétantes. Tandis qu'il accompagnait M. de Vernières, l'entraîneur se livrait à un laborieux calcul mental. Comme la laitière de la fable, il supputait le profit qu'il allait tirer de la victoire future de Villard. Quelle serait sa part ? 15 000 francs, sans doute. Cette somme était à peine suffisante pour désintéresser ses créanciers les plus pressants. Alors, avec une netteté impitoyable, sa mémoire lui rappelait les propos de Dixon. C'était depuis plusieurs jours une obsession constante. Il s'était même surpris à rêver un moment au moyen de fausser la course. sa cupidité livrée à sa conscience chancelante, un suprême assaut. Jean Marolle, incorruptible, était un obstacle. Confusément, il songeait déjà à l'écarter. Mais sa dernière tentative avait échoué, ses insinuations n'ayant pu ébranler la confiance du marquis dans l'habileté de son protégé. Le vieux Tom passait en revue tous les trucs du métier, les savants dopage, les opérations discrètes qui ruinent les tendons d'un cheval. Ses moyens lui paraissaient chanceux. Malgré son habileté, Barclay était obligé de s'avouer à lui-même que ses expédients ne pourraient échapper à l'œil perspicace de l'ancien écuyer de Saumur. Ah, si Jean pouvait se trouver subitement indisposé, dans l'impossibilité de monter Villars. L'entraîneur aura vite fait de présenter au marquis un jockey de son choix, un de ces hommes qui laissent volontiers leurs scrupules dans la poche de leur pardessus quand ils endossent la casaque. Mais Marolle avait une santé de fer, une énergie capable de triompher de tous les malaises subis. Il n'avait aucun vice, n'entrait jamais dans un bar, impossible de le griser. Un narcotique, comment le lui faire prendre ? Le jeune homme devait retourner à Paris avec son protecteur. Barclay ne le reverrait que le lendemain, à Auteuil, devant 50 personnes. C'était une fatalité. Comme il haïssait en cette minute celui qui devait être son gendre. Il l'avait toujours détesté, d'ailleurs, à cause de sa droiture, de son habileté, de son intimité avec M. de Vernières. Jean était instruit, brave, adroit. Ses qualités blessaient l'anglais orgueilleux et médiocre, dont l'habileté n'était que de la routine. Et c'est à ce Français maudit qu'il avait dû donner sa fille. Il fallait que la crainte de perdre son dernier client fût bien puissante pour le décider à accorder son consentement à cette union qui le révoltait. Aimait-il Suzanne ? Il était bien trop égoïste pour ressentir un attachement quelconque. Sa femme était morte de chagrin quelques années après son mariage. Cette perte ne lui avait causé qu'une peine insignifiante. Mais la jeune fille, excellente ménagère, lui était utile pour tenir sa maison. Son départ allait compromettre l'harmonie de son intérieur. Ah, ce Jean, comme il l'exécrait ! Avec quelle volupté sauvage il l'aurait vu rouler sous son cheval, au passage de ce mur en pierre d'Auteuil, la terreur des jockeys. Une mauvaise chute le débarrasserait à tout jamais de cet odieux Marolle. Mais pour jouer à coup sûr et encaisser la forte somme, il fallait qu'il pût préparer lui-même l'accident. Comment faire ? L'entraîneur était arrivé à ce point critique de ses réflexions lorsque, accompagné de M. de Vernières, il entra dans la cour de son établissement. Les constructions occupaient derrière la maison d'habitation les trois côtés d'un vaste rectangle. Au fond, un gros pavillon flanqué de deux ailes contenant le logement du premier garçon, la sellerie et la remise où le coq et tonneau de Suzanne voisinaient avec les tombereaux de service. De chaque côté, deux longs bâtiments renfermaient les boxes. Chaque cheval avait sa cellule, ouvrant directement sur la cour et fermée par une porte à deux vantaux superposés. Les loquets des battants inférieurs étaient soigneusement fermés, mais lui, supérieur, largement ouvert, laissait pénétrer l'air et le soleil. Au pied des murs régnait un large trottoir, pavé en carreaux de ciment, légèrement incliné vers une rigole. Les écuries attestaient un souci de la propreté poussée jusqu'à la coquetterie. Les cuivres brillaient. Les mangeoires de fer poli étincelaient dans la pénombre. Devant chaque porte, un sceau numéroté, peint aux couleurs de la casaque, vert et blanc, offrait au regard le miroir d'un fond soigneusement étamé. Pas un brin de paille, pas une parcelle de fumier, ne maculait les dalles, humides encore d'un récent lavage. Quelques lades en chemise de flanelle, guêtrées de cuir et coiffées de l'inévitable casquette, accomplissaient avec une gravité presque rituelle leur tâche quotidienne. Chacun s'empressait sous l'œil du maître, et les garçons inoccupés, tapis dans leur mansarde au-dessus des boxes, n'osaient mettre le nez à la fenêtre. Le marquis et Barclay firent lentement le tour du vaste établissement presque vide. M. de Vernières visitait chacun de ses chevaux, et rien n'échappait à son regard vigilant. Parfois il faisait de brèves observations que l'entraîneur écoutait avec une déférence affectée, démentie par des gestes fréquents d'impatience, aussitôt réprimés. Il parvint ainsi devant la dernière porte près de la sellerie. Le père de Suzanne donna un ordre au palefrenier qui le suivait. Celui-ci pénétra dans l'écurie et fit sortir Villars. M. de Vernières put admirer cette merveilleuse machine animée dont la victoire certaine allait donner le lendemain à son élevage la suprême auréole. Les derniers galops très modérés avaient donné au noble animal un admirable fini de préparation, Son pas était souple, cadencé, sa contenance calme, son port de tête fier et libre. Le marquis le considéra un moment sans mot dire, mais avec une évidente satisfaction. Puis, se dirigeant vers la sellerie, il dit à Barclay « Avez-vous changé le mort défectueux que je vous ai signalé l'autre jour ? Il faut une liberté de langue très arquée. Villard a la bouche délicate. Le moindre essoufflement sur 6 500 mètres peut compromettre le succès. » « J'ai fait un mort selon vos indications, monsieur le marquis, » répondit l'entraîneur. Et il tendit au gentilhomme une pièce d'acier nickelé, un bijou qui semblait d'argent pur. Monsieur de Vernière voulut voir le harnachement complet. « Voyez, Barclay, ces bourrelets de sel sont insuffisants. Comment voulez-vous qu'un cavalier aborde avec confiance les gros obstacles s'il ne sent pas ses genoux calés ? Il a les étriers. C'est cela, toujours votre méthode anglaise. L'équilibre et pas d'assiette. » D'ailleurs, en servant de point d'appui, les étriers fatiguent les étrivières. Songez-vous que la vie d'un homme dépend d'une courroie rompue. Puisque nous sommes sur ce chapitre, il faudra aller changer vos étrivières. Même avec un jockey montant selon les principes rationnels de l'équitation, elles pourraient casser à la rivière. Voyez-vous-même, ce cuir n'a pas d'épaisseur. Vous avez trop allégé l'ensemble du harnachement. Mais, monsieur le marquis, c'est à cause du poids. Comment, à cause du poids ? « Villard doit porter 70 kilos, j'en ne pèse pas plus de 120 livres. Vous tenez donc bien à bourrer de plomb les sacoches. C'est une charge inerte qui gêne le cheval. » Marot l'a beaucoup engraissé depuis quelque temps. « Engraissé ? Où diable voulez-vous que ce garçon mette sa graisse ? Il est sec comme une cravache. Envoyez-le donc chercher. Nous allons tout de suite élucider ce point-là. » Sur un signe de Barclay, un lad partit au pas de course. Une minute après, il revint accompagné du jeune homme. « Vous m'avez fait appeler, monsieur, » dit celui-ci à son protecteur. « Oui, mon ami, et voici pourquoi. Barclay prétend qu'il est obligé d'alléger le harnachement de Villard parce que vous avez grossi. »« Certainement, monsieur, j'ai un peu plus de peine qu'autrefois à me maintenir, mais je ne pèse encore que 61 kilos, à 100 grammes près, » répondit Marolles. « Vous voyez bien, Barclay, que vous pouvez changer les étrivières et mettre des bourrelets plus épais. Bride comprise, tout cela ne dépassera pas 10 livres. Vous avez de la marge. » reprit M. de Vernière en sortant de la sellerie. Le vieux homme considéra un moment les minces courroies qui retenaient les étriers, et son visage eut une expression singulière. On aurait dit qu'il venait de découvrir tout à coup la solution d'un problème difficile et qu'il en concevait une immense satisfaction. Le soleil baissait sur l'horizon. Jean et son protecteur se rendirent à la gare, accompagnés par l'entraîneur et sa fille. Au moment de monter dans le train, Suzanne tendit en rougissant son front à son fiancé, tandis que M. de Vernière, un doigt dans sa moustache blanche, les regardait en souriant. Le dîner fut silencieux. L'entraîneur semblait absorbé. Dès que le repas fut achevé, il alluma sa pipe et se plongea dans la lecture de son journal. Mais bientôt, un coup de sonnette retentit. Suzanne se leva, posa l'ouvrage qu'elle achevait, ouvrit la porte, et se trouva en présence de Jim Harkins, qui la salua profondément avec une politesse ironique. La jeune fille eut un mouvement instinctif de recul. Depuis la scène de la forêt, le triste personnage lui causait une répulsion mêlée de crainte. On éprouve ses sentiments à l'égard des reptiles venimeux. Avant qu'elle eût ouvert la bouche, Barclay apparut dans l'encadrement de la porte. Il introduisit son hôte dans la salle à manger, vaste pièce lambrissée de sapins vernis, décorée d'images grossières de chevaux fameux. Puis d'un geste impérieux, il congédia Suzanne. Les deux hommes s'attablèrent devant une bouteille de whisky et entamèrent à mi-voix, comme s'ils craignaient d'être entendus, une conversation animée. Suzanne s'était retirée dans sa chambre. Une angoisse singulière l'oppressait. Elle ouvrit sa fenêtre, s'accouda au balcon et par-dessus la forêt silencieuse, son regard chercha dans le ciel le reflet rougeâtre qui indique Paris. La clarté lunaire déployait dans la campagne son manteau d'argent. En haut d'un chêne tout proche, un rossignol égrenait sa chanson.